الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous continuons dans l'explication du Dororu al-Bahiyya de l'imam Shawkani rahimahullah rahmatan wasa. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Ali ibn Mokhtar al-Ramli. Qu'Allah le préserve. Alors, nous sommes dans le chapitre Ghusl al-Mayyit, le lavage du mort. Alors le chef, il dit rahimahullah, wa yajibu ghusl al-mayyit ala al-ahya. Il est obligatoire sur les vivants de laver le mort. Donc ici, voici la parole de l'imam Shawkani, rahimahullah. Alors le Cheikh Ali Rami dit, « Ujoubuhu ma'khouzun min amrihi fil muhrim. » L'obligation est prise de l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant celui qui était en état des haram. « Wa qasathu naqatuhu » et sa chamelle l'a fait tomber et a marché sur lui. Et lorsque cela arrivait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Et si vous ou bimar moussibre ?» Et il avait le avec de l'eau et le cidre qui est le jugé. Donc ici, voyez, et aussi le hadith, d'abord ce hadith, et le hadith au sujet de sa fille Zainab. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Irthilnaha thalathan aw khamsan aw saba. » Il est lavé là trois fois, cinq fois, ou sept fois. Ou bien plus que cela. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Et c'est le hadith de Ummu Atiya al-Ansariya. Donc ici, ces deux hadiths montrent l'obligation. Parce que dans ces deux hadiths, il y a l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de laver le mort. طيب فأمره هنا بالغسل يدل على الوجوب لوضو دي ميساجي الله صلى الله عليه وسلم دي لافي لو مور مونتري سي لوبليغاسيون لكن الوجوب هنا ما لوبليغاسيون ici وجوب كفاية c'est une obligation commune فالمراد هو إيقاع الفعل le but c'est que on puisse laver le corps. Et si certaines personnes lavent le corps, ça devient, yani, ce n'est plus obligatoire sur les autres. Et l'obligation de laver le corps est un consensus, comme l'imam Nawawi et d'autres savants l'ont rapporté. Alors ici, la première masala que nous voyons ici, c'est le lavage. Le lavage est-il obligatoire? Non, c'est une obligation. Voilà ce qu'il dit. C'est une obligation commune. C'est-à-dire que si d'autres lavent le corps, alors l'obligation quitte sur l'autre. Ensuite, le verset dit, والقريب أولى بالقريب إذا كان في منزله. C'est-à-dire qu'on lave le corps, le proche est plus prompt de laver le corps du proche s'ils sont du même genre. Voyez? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un disait, alors, celui qui est plus proche de lui, celui qui est aoula, qui est plus prompt à laver le corps, et surtout s'ils sont du même genre. C'est-à-dire, si c'est une femme et elle a une proche qui est une femme aussi, voyez à Aoula, selon la parole, et les gens chakraient ici. Mais le chef, Ali Rami, dit Ali al-Zatar, c'est-à-dire l'homme, Aoula al-Zatar, min Matribar, est celui qu'on place en avant pour laver l'homme. C'est-à-dire, si c'est un homme qui est proche de lui, c'est lui qui est le plus prompt. Walkunta, Aoula al-Kunsa, min Qaribatina. C'est-à-dire, la femme qui décède, on regarde, plus proche d'elle, s'il y a des femmes qui sont plus proches d'elle. C'est-à-dire, ici, la proximité, c'est dans la famille. Vous voyez, c'est dans la famille. Adama la kalam wa alif rahimahullah. C'est le sens de la parole de l'auteur du livre, que l'Imam Shawkani. Fa'uwa yushiru ila anna al-awla. Il indique ici que ce qui est plus con, puis tafsir et mayyit, dans le fait de laver le mort, hum aqribahu. Ceux qui sont ceux qu'on place devant, ce sont ses proches. Voyez? Mais ici, cette prétention de placer ses proches en avance, là où il y a, le chef allait dans le midi, tartare où il allait. Cela a besoin de preuves. Et nous ne connaissons pas le preuve authentique, Yadullo al-Araka, qui mentionne et qui indique ce que le Cheikh a mentionné ici, Rahim Allah, Mum Shawkani. Inna Mahoua Alif Isa al-Baqa. C'est-à-dire, on voit que c'est ce qu'il y a de mieux seulement. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Voyez. Wa hadith da'if, mais il y a un hadith qui est da'if, qu'a rapporté l'imam Ahmed et d'autres, lequel, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit إِذَا يَلْيَهُ أَقْرَبُكُمْ كَانَ يُعْلَى. Que ce charge de vie, celui qui est plus proche, s'il est connu. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَى, s'il n'est pas connu, فَمَنْ تَرَوْنَ عِنْدَهُ حَظًّا, celui que vous voyez, il a une portion noire de l'ascétisme ou amana. Et quelqu'un qui est digne de confiance. Voilà qu'un hadith d'Aïf. C'est un hadith qui est d'Aïf. Voyez, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Donc ici, cette masala qui est والقريب أولى بالقريب إذا كان من جديه. C'est une masala qui a donné le dernier. Que quelqu'un ne vienne pas dire que c'est ce que la charia a dit. La charia a dit de placer toujours ceux qui sont plus proches de lui dans le lavage du corps. La charia n'a pas dit cela, car il n'y a aucun hadith qui indique cela. Mais, istihsal fa'al. Istihsal, vous savez, on trouve que c'est joli à voir. On trouve que c'est joli à voir que les plus proches de lui lavent le corps. Vous voyez? Qala rahimahullah. Le dernier livre, il dit encore. Il dit wa ahad zawjayn bil akhar. Il dit l'un des époux lave l'autre. Vous voyez? Yuridu al-mu'allif huna L'auteur du livre lui dit ici, أن أحد الزوجين كان يجزئ أولى بتأثير الزوج الآخر et plus prompt à laver le corps de son époux ou son épouse. فالمرأة, la femme, أولى بتأثير زوجها. Elle est plus prompt et placée en avant dans le fait de laver le corps de son époux. والزوج et l'époux أولى بتأثير زوجته لغيره. Alors l'époux est placé en avant et plus prompt de laver le corps de son épouse plus que toute autre personne. هذا ما يذكره المؤلف رحمه الله. Voici ce que le مؤلف a mentionné. Voyez. Non. أما الجواز. Mais quant à la permission de faire cela. Non, oui. C'est permis de faire cela. Mais quand on dit que c'est obligatoire, n'a pas vu la main, hein? La Dalil, on a besoin de feu. Oui. Non. Mais quand on va à l'autorisation, non, c'est autorisé. Au moins, il y a un taxi, il y a un taxi, il y a un taxi, il y a c'est-à-dire, l'homme lave le corps de sa femme, la femme aussi lave le corps de son époux. Et Ali, on a un exemple en cela, Ali radiallahu ta'ala anhu, celui qui a lavé le corps de sa femme, par Fatima, lorsqu'elle est décédée. Ali a lavé le corps de Fatima, et cela a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi, ainsi que l'imam Hakim. D'après Asma, Bint Owais, radiallahu anha. Donc, Ali a lavé le corps de son épouse, voyez, et c'est venu de façon authentique, d'après notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala. Elle a une parole qui est connue à ce sujet. Et sa parole, c'est La ustakbaltu min amri mastakbaltu. Ma basala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ibn Sa'd. Et si j'avais su, j'avais la science que j'ai aujourd'hui, si j'avais cela hier, alors personne n'aurait lavé le corps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam si ce n'est que cet homme. Alors, il y a tout la Jawaz, cela montre l'autorisation. De faire cela. Là, il y a la Oulawiyya, mais pour dire que c'est l'homme qui est plus prompt, ou bien c'est la femme qui est plus prompt en Ouzaï, en Yawas. C'est quelque chose qui s'augmente à l'autorisation, et cela a besoin d'une preuve spécifique. Alors qu'on ne connaît pas cette preuve. Alors, nous qui avons donné le sourire, il n'y a pas de preuve. C'est-à-dire, on ne trouve pas le plus authentique d'Yadoulou al-Hadi al-Awiyya qui indique que l'homme est plus grand ou la femme est plus grand. Alors que, au Parlement, la Féhane n'est plus sur son enquête, beaucoup de personnes sont décédées à l'époque où il s'agit d'avoir soit à Saint-Jean, au matin, soit à Saint-Jean, soit à Dali. Le professeur Saint-Jean ne citait pas cela. Voilà, il y a eu il a un nazaoui au lavé d'Arsir d'Aoukati. Il ne montrait pas aussi que l'époux est plus prompt à laver le corps de son épouse, ou bien l'épouse est plus prompt à laver le corps de son époux. Voilà qui, à la question, on trouve que c'est bon. Voyez, c'est bon de faire cela. Voilà qui, l'obligation. Alors, ça a besoin d'aller, ça a besoin de prier. Voyez. Nassallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, le conseil que je donne à mes frères qui sont mariés, c'est de faire l'effort d'enseigner à leur épouse comment laver le corps. Et vice versa, l'homme aussi doit apprendre. Parce que c'est ce qui est vu, que l'homme lave le corps de son épouse, et l'épouse aussi lave le corps de son époux. Comme les Anglais disent, aussi traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a plus de préservation dans cela. Vous voyez? Non. Et si quelqu'un venait à utiliser le hadith dans lequel le Messie il a fait mention du fait que il allait, si sa femme Aïcha décidait, il allait la prendre et lui, comment on appelle ça, la laver, laver son corps et l'habiller, lui aller faire son enterrement. Dans ce sens-là, est-ce que quelqu'un peut argumenter avec ça? Bon, je crois, en tout cas, entendre qu'il y a un hadith dans lequel le Messager de Allah a dit à notre mère Aïcha, radiallahu anha, que si elle décédait, il allait laver son corps. Non, non, je ne veux pas le dire. D'accord. Ici, c'est ce qu'on a dit ici, à la Ouraouïa. C'est harmonisé, c'est quelque chose qui s'ajoute à l'autorisation. Est-ce que c'est autorisé que l'époux lave le corps de son épouse et l'épouse lave le corps de son époux? Non. Et Dieu s'est permis. Voilà qu'il n'y a pas l'obligation ou bien dit-on place pour fumer en avant. Alors, cela a besoin d'une preuve. C'est ce qu'on a dit ici. Non. قال رحمه الله رحمه الله البجليل رحمه الله البجليل نعم نعم ويكون الغصب ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر. Donc ensuite nous sommes dans la troisième masala, troisième sujet du Shabbat. Voyez. Mais on commence à 3 ou 5, 7 ou plus. Mais on lave le corps avec de l'eau et les feuilles du gibier. Cidre. Voyez. En le cidre, quant au cidre, Bawawaraku Shagari Al-Naba, c'est la feuille de l'arbre du gibier. Le dapu, on écrase. Les feuilles, et ton mélange, ça fait l'action du savon. Il a son que c'est mieux que le savon. Voyez? C'est-à-dire, on prend beaucoup de feuilles du gibier, c'est quoi qu'on appelle la bambara comme on en veut. Voyez? On prend beaucoup, on écrase, ça va, et on met dans l'eau. Et on prend cette eau-là maintenant pour laver le corps. Voyez? Non. On va comme le maillet. Quand on fait des dires que le corps, il y aura salaire. On le lave 3 fois ou plus. Alors, Fahad al-Hadith, Umu Atiyya, parce que l'Hadith de Umu Atiyya, قالت, دخل علينا رسول الله, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est rentré sur nous, et il a confié dit, lorsque sa fille est décédée, فقال, اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. Et il avait là 3 fois, 5 fois, ou plus que cela, Si vous voyez que cela peut pas purifier. Ensuite, avec l'image, il possède l'eau et le style qui est le gibier. Voyez-le, il a et les à la fin, carrefour, le carrefour, chez un carrefour, ou bien quelque chose du carrefour. C'est-à-dire, Faïda Farakuna. Et lorsque vous finissez, prévenez-moi. Lorsque nous l'avons fini, nous l'avons prévenu. Il nous a donné c'est-à-dire son visage, un vêtement. Il a dit c'est-à-dire en vérité, là, c'est-à-dire, tafir al-maïd, c'est-à-dire, il faut lancer des livres avec cela. Ça va? Donc, ce hadith ici montre que, après l'al-wasli, le plus petit nombre du lavage, c'est combien? C'est combien? Salaz marat, c'est trois fois. Les al-Nabi, c'est un salam. La sunna dans ce sujet. Voisinage de l'Isahdad al-Mayyid l'Italie est augmenté maintenant si le mort a besoin de cela. Voyez? Non. Pour entrer ici, pour voir si ils attendent le non. Voyez? Aïe, Isahdad. Sur le corps du mort, a besoin qu'on le lave plus de trois fois. Voyez, Wassan, on le lave plus de trois fois. Voilà qui nous rapporte à le Mourassi à la Louita. Celui qui lave doit rester sur le nombre impair. Voyez, doit rester sur le nombre impair. S'il a besoin de quatre lavages pour qu'il soit pur, il le lave cinq fois. Vous voyez? Mais s'il a besoin de six lavages pour purifier, alors, il le lave cette fois, ou en état, ici dessus. C'est-à-dire que s'il a le mort et qu'il a besoin de le verset nous suit six fois pour qu'il soit pur, alors il complète à sept. S'il a besoin de huit, il complète à neuf. Ou en état, ainsi de suite. قال المؤلف رحمه الله يبين به رحمه الله وفي الآخرة كافورا إلى الفين بكافران طيب بكافران نعم بحديث أم عطية المتقدم أقول ذي حديث أم عطية كالبرسلين فقال عليه الصلاة والسلام المسجد الله صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور مثال عفين الكافور الكافران أو كيف يشوف الكافران نعم الكافران سيئنا لا نرابل الكافراني سيئنا كيفوس يسكم دفور دونك سيلا كفير الكافران سيطابنا a une bonne odeur et parmi ses spécificités c'est que lorsqu'on lave le corps avec le sol humide ça rend le corps dur, ça retarde le fait que le corps va pourrir vite, voyez, ça le rend dur. Ouais, nous avons c'est permis d'utiliser n'importe quel parfum si on n'a pas le parfum. Voyez, Il a sauf que un al-Kafour, le Kafran, Afkol, c'est meilleur, il y a une administration à Chalekhé, à indiquer que cela va faire Khawas, Zahabit, un étoile, un tribe. Il y a des choses spécifiques du Kafran qui s'ajoutent à devant la à l'odeur qu'on cherche du Kafran. Vous voyez? قال رحمه الله أرسلت إلى تجريب وتقدم الميامين الميامين on dévance le côté droit أيديا تجريب on dévance le côté droit ça يبدأ بغرس اليد اليمنى on commence à laver le côté droit après يعني يوم وعدية dans une joie Le message d'Allah qui dit « Et d'Amnabima Yaminha » commencer par sa, son côté droit pour avoir des repos et les endroits d'admission Minha, de cela. « Aïe ziyala mutafakunari » Et cette ziyala est même le premier côté. Alors le sens de cela, c'est qu'il commence et aussi à faire le repos ou à guérir de l'Ouna. Il commence d'abord à laver les membres d'ablution. Ça y est, il prend l'ablution, mais il commence par le côté droit. Donc, il y a son mariage de nous sur la barre d'aller. Ensuite, le côté gauche après cela. Regarde le Syrie, et le Syrie fait partie de ceux qui ont rapporté les hadiths de Oumu'atiya. Quel est le temps de m'avoir les boutons et commencer par les endroits d'ablution sur le mariage de Mayam Allah, le Père de Dieu, Rahim Allah dit. Voilà le wassalou al-shahid. On ne lave pas le martyr. Vous voyez? On ne lave pas le martyr. Al-Murad al-shahid, c'est qui est voulu par le martyr, c'est ou al-Qatir al-Ma'ak. C'est celui qui a été tué dans la bataille. Al-Ladi yaktouhu al-Kuffar, celui que les mécréants ont tué. Alors, al-shahid, al-Ladi de ta'ala, ou bien akal al-Mazkour al-Han. C'est le martyr dont les jugements qu'on va mentionner sont en liaison avec lui. Wafi Azayati Mimasaï Denada, Yanaïs, et ça va venir dans le Masaï de Fidéral. Faman Khadar Idabuna Kalimatumbaya Ruya, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit au-dessus, Owa Sharif, il est un Sharif. Ça va? Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, c'est l'hadith de l'imam Sarachar. Là, il n'y a pas de miyad, mais les intentions, là, il y a la mouille de l'Allah, la barata wa ta'ala. Personne ne connaît les intentions, si ce n'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voyez, on a la mouille d'Allah, nous on n'a que le côté apparent. Faman khawata min al-muslimina, fi sufuf al-muslimin, Celui qui combat parmi les musulmans dans le rang des musulmans dit tel koufar, c'est-à-dire contre les mécréants, ou Qatalahu koufar, et les mécréants le tuer, alors on le considère comme martyr dans le jugement. Et on lui donne des jugements des martyrs. C'est-à-dire s'il meurt, même si son intention n'était pas ça. Mais s'il va parmi les musulmans dans une bataille contre les mécréants, alors celui-là, on lui donne le jugement des martyrs. Vous voyez, voilà, il voit ça, on ne lui lave pas, voilà, il doit faire. On ne va pas l'ensevelir, voilà, il se lave, on ne prie pas celui-là. Vous voyez, papa le fait, il dit ça à la scène, là, il casse. Alors, surtout, il va se manquer cela, il choisira et ouvre avec les martyrs de vous. فهذا يدل على أن الشهيد لا يوصل سلام ذكر الشهيد أم للأخرى وهذا مذهب المروق علماء الإسلام أي سيد المذهب في الموجود في الإسلام نعم ici l'explication qui est donnée au fait qu'on ne lave pas, on ne prie pas, on ne l'assimile pas, c'est que le Rasoul sur la scène dit qu'il rencontre Allah d'avoir la forme de l'Awwal, il a compté là Allah subhanahu wa ta'ala avec le sang du mal. Et ensuite, Cette personne nous dit à la chaîne. Alors que selon ton prix sur eux, selon le lave, tout cela sera dans la purification. C'est la personne de purifier de ses péchés à Walan et demander le pardon d'Allah pour lui. Alors que celui qui meurt shahid, son paradis est garanti. Tranquillement, shahid. Voyez, nasal Allah, ayat d'Allah, amin al-shuhada. Celui qui demande à Allah la shahada, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a promis qu'il sera compté parmi les shuhada, wa la umata ala mada, ala. نعم نصر الله تعالى من الشهداء لمن الله سبحانه وتعالى بنيمة بارين بارتي طيب دونك وسي لمظهر لجمهور العلماء وأما كالوفاة من أطلق عليه اسم الشهيد من أطلق عليه اسم الشهيد سيدنا لدون نوم الشهيد من غير الشهداء المعارك sans qu'il ne meure dans les batailles, comme c'est venu dans certains hadiths, le messager d'Allah sur la salle dit Al-Gharib, celui qui est noyé fait partie des martyrs. C'est-à-dire, celui qui est mort, noyé, fait partie des martyrs. Et celui où elle m'a pauvre, c'est-à-dire m'a pauvre, celui qui a mal au ventre, qui est mort et est mort du ventre, ça va, il fait partie aussi des martyrs. Celui aussi, qui a été piqué, ça va, Al-Mabroun, qui a été piqué, alors qu'il est mort dans cela, enfin, est-ce que c'est ça? Al-Mabroun, c'est celui qui est mort de la peste. Hein? Il est mort du Pharaon, ça va? Pharaon, il est mort de sa vie, mais selon les lames, ou le Kafaroun, on est le bataille. Vous voyez? نصر الله عليه وسلم كرم بذل إكرام بيسان حسن الرجل رئيسي واسي لما سأل بوصل المانيس وصل هذا الوصل لما يجب الفعل طيب على سأشك لنا في القرى الجزء سيكتب جور دي فاسي وسوري سيد جانا بي فل لقام عباش سوري سيد جانا فل لقام عباش pour celui qui rêve, alors c'est facile. Celui qui sait aussi déjà faire des ablutions, alors c'est facile. Ça ne quitte pas cela. Seulement qu'on mystifie la chose, ou bien souvent on voit que la chose est compliquée parce qu'il s'agit d'un mort. Et le mort, les gens ont peur du mort. Alors, il y en a qui, ça ne veut pas dire les choses les plus étonnantes. Tahafu, tu as peur de son corps, mais tu n'as pas peur de son vivant. Alors de son vivant, il peut te faire quelque chose. Mais de son mort, il ne peut rien te faire. Voyez, c'est plutôt ce qui doit nous inquiéter lorsqu'on a le mort. C'est quand ça va te bouger, aller pleurer beaucoup. Avoir la pitié. Mais ne pas avoir peur de lui. Ne pas avoir peur de lui. Vous voyez? Donc, c'est ce qui rend un peu le fait de laver le corps un peu compliqué. Ça rend beaucoup compliqué parce que les gens ont peur de laver un corps. Voilà qui dit c'est facile. C'est facile et c'est très facile. Écoutez bien. Ghusl al-wajib en islam. Le lavage obligatoire, c'est tamim ou le badal des mains. C'est-à-dire, prendre de l'eau, coucher le mort et verser l'eau sur tout son corps. Et que l'eau touche toutes les parties de son corps, ça c'est le rosu le wadi. Wadi est seco, voyez que la marée est le rosu. Ça va? Comme on parle au Cheikh Mohamed de Saleh. Al-Uthaymeen, il y a quelqu'un de Shouhat dans beaucoup de ses explications, telles que Shabu al-Munter et beaucoup de livres dont il a expliqué, il a dit cette parole. Toyez, Quand il blâmait certaines personnes qui délaissent souvent les corps, ou ils transportent les corps pour aller de ville en ville, pour aller juste laver le corps, peut-être qu'ils demandent toute la vie. Hein? Lorsqu'ils vont quelque part, ils disent parmi eux, ils cherchent des gens pour laver le corps, ou ils déplacent le corps de ville en ville pour aller laver le corps. Alors, oui, c'est quelque chose qui est passé. Voyez? Donc, il a dit cette parole. Et la montre que Tamim Oulbad Angelma a d'abord ce voyage. Et cela, beaucoup de savants sont dessus. Maintenant, le Rasoul qui est connu du messager d'Allah sur la scène et dont il a donné l'ordre, c'est le Rasoul qui suit. D'abord, il y en a dit une guerre à faire avec vous, chez vous. Ça va? Il dit une guerre. Il le plénifie, c'est-à-dire lorsqu'il couche le corps, écoutez bien, il prend le corps, il le couche sur quelque chose, ça peut être une table, ça va, ou quelque chose qui est en hauteur. Ensuite, il le plénifie, c'est-à-dire comme celui lorsque il veut prendre les ablutions, il se plénifie des déchets, voyez, c'est-à-dire il essaie de laver. Il y a les deux orifices. Et puis, ensuite, il passe à la mission, n'est-ce pas? Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il soulève légèrement le mort, c'est-à-dire il soulève sa tête. Il soulève le côté supérieur de son corps. Il le fait comme il s'assoit. Ça va? Et ensuite, il appuie son ventre, sa poitrine, et il y a des choses qui vont sortir. Ça va? Donc, si ces choses-là sortent, il verse de l'eau pour nettoyer ces choses-là. Il va utiliser un gant, quelque chose qui va couvrir sa main. Ensuite, lorsqu'il fait cela, que le mot a dégagé des choses, alhamdulillah, il le recouche. Mais il y a certains morts, tels que ceux qui meurent de la cigarette, par exemple. Et les autres choses, leurs déchets ne cessent de sortir. Ça ne cesse de sortir. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du coton, il fait les purifier une première fois, il prend du coton, il ferme le nez, les deux trous du nez, et puis ensuite, il ferme la bouche. Mais si la bouche ne peut pas se fermer, il prend du scotch et il met sur la bouche. En attendant qu'il puisse vraiment le purifier et il enlève le scotch de sa bouche pour faire entrer, lorsqu'il veut prendre les ablutions avec le poids, il fait rentrer l'eau dans la bouche. Ça va? Oui. Donc, s'il le purifie maintenant des déchets, il va entrer au dos à soi. Il le fait prendre les ablutions comme on prend les ablutions pour la prière. Voyez? Là, quand tu prends les ablutions, tu laves les deux mains. Ensuite, il fait rentrer l'eau dans le nez, dans la bouche. En ce moment, il regarde toujours comme assis. Ça va? S'ils sont deux, c'est Ouahasan Blagin, une seule personne, Shahan, ça suffit pour laver un corps. Vous voyez? Donc, s'il y a un mur, il approche à côté du mur pour faire comme s'il était assis. Ça va? Et là, ensuite, il fait rentrer l'eau dans le nez, dans la bouche. Il lave le visage, il lave les deux mains, il lave les deux pieds. Là, il a fini de prendre les ablutions. Il est fait à pousser sur le mur comme ça. Oui. Il est fait à pousser sur le mur le moment où il enlève les déchets. Ça va? Parce que s'il a couché les déchets, c'est d'ici que ça sort. Après, tu te rends compte que quand tu es lancé le lit, le déchet commence à sortir. Après, c'est difficile, ça salit même le verset. C'est compris? Donc, voilà, on le soulève et puis on fait sortir les déchets. Ensuite, on prend les ablutions, c'est-à-dire on le fait prendre les ablutions. Ensuite, après les ablutions, maintenant, il y a aussi le rasa ou le ma ou le sidèle. Il prend le sidèle, il met en l'eau, il lave sa tête. Ça va? Il lave sa tête avec de l'eau qu'il y a du sidèle dedans. son mât, ensuite il offrit le mât à la diacette. Ensuite il verse l'eau maintenant sur tout le corps. Mais comment il fait? C'est-à-dire pendant qu'il est couché sur son dos, ça va, normalement c'est sur le dos qu'il le couche. Il lave d'abord la partie droite. Vous voyez, il prend l'eau, il prend de la tête jusqu'au pied, le côté droit. Ensuite, il prend le côté gauche. Ça va? Et ensuite, il tourne pour pouvoir mettre l'eau sur le dos jusqu'à aller derrière. Ça va? C'est ce qui va moins le fatiguer. Sinon, s'il veut faire le côté droit aussi, il lave le côté droit, il le tourne un peu, il lave le côté droit derrière. Ensuite, il revient sur l'autre côté, il fait la même chose. C'est compris? Là, ensuite, il finit maintenant de faire cela. S'il lave, il lave trois fois. S'il finit de faire cela maintenant, il y aura un bimou à la pièce d'une main. Il prend l'eau maintenant, il verse maintenant sur tout le corps. C'est compris? Il verse sur tout le corps une fois, si c'est propre. Mais tu trouveras que d'autres qui n'ont pas les déchets qui sortent, il y aura encore des déchets. Pendant qu'il est en train de laver, il y a des déchets qui sortent de son corps. Voyez? Et cela arrive lorsque le corps dure. Sinon, si la personne est décédée, et a oublié les femmes, au début, elle a été lavée, souvent elle est préservée de ces choses-là. Mais lorsque le corps dure, ensuite, il y a des choses qui ne peuvent pas rester dans le ventre. Est-ce que vous comprenez? Ça ne peut pas rester dans le ventre. Excusez-moi pour le terme, mais tu verras qu'il va dégager beaucoup de ventre. Si tu as plus son ventre. Il va dégager beaucoup de ventre. Le ventre. Voilà. Et puis, ça va sortir de sa bouche. Avant d'avoir une simple. Voici l'être humain. Alors, laver le corps, ça se fait de cette manière. D'abord, en voilà, tu lui nettoies les impuretés. Deuxièmement, tu lui fais prendre les ablutions. Troisièmement, tu laves sa tête. Quatrièmement, tu laves tout son corps, à commencer du côté droit jusqu'au côté gauche. Ensuite, maintenant, quatrièmement, tu mets à la fin le cafard. Dans l'eau, la fin, tu mets le cafard. Parce que la diable qui a éradiqué. Cafon. Ça va? Tu mets maintenant le cafon. Le cafon, c'est connu. Ça va? Mais il y a un arbre qui est cafonné. C'est spécial. Tu coupes les feuilles. Si tu connais cet arbre, tu viens, tu mets dans l'eau. Ça rend le bois bon et ça prend des bénéfices. Parmi ces bénéfices, c'est que ça rend le corps dur. Ça rend le corps dur. Vous voyez? Là, ça va, je vois ça. Quand on préserve, et quand on dit sans fin sur le roche. Donc, on va s'arrêter ici. S'il y a des questions, non? Le fait que vous avez dit que le nettoie des vocaux de derrière. Non. Est-ce que tu as le droit de toucher ou bien tu ne touches pas? Non, tu ne touches pas. Tu mets le dessus. Non. Le dévoile de le derrière du mort, on ne touche pas avec la main. Vous voyez? C'est-à-dire que si tu veux laver le devant, au début, lorsque tu veux dégager de cette impureté, tu mets quelque chose sur la partie, comme une serviette qui aspire l'eau, et tu mets l'eau, beaucoup d'eau dessus. Ça va? Tu le tournes, tu gardes une serviette aussi dessus, et puis tu mets beaucoup d'eau sur la partie, c'est-à-dire le derrière. Voilà, tu baisses. Ça va? Tu baisses l'eau. Tu n'as pas. Mais on ne touche pas avec la main. Et on ne découvre pas aussi sa nudité. On cache sa nudité au maximum. Ça va? Pour la femme, on prend une serviette ou quelque chose de blanc pour pouvoir attacher sa partie la poitrine. Ça va? On attache la poitrine avec. Ça va? Et puis on reste de l'eau dessus. Parce que la serviette, on dit la serviette, hein? La serviette, normalement, ça aspire de l'eau. Si on met la serviette sur sa poitrine, alors cela va plus y aller aspirer l'eau et le mansour sera atteint, le but sera atteint. Mais on ne laisse pas comme ça mettre les seins nus. Vous voyez, on ne fait pas cela. C'est compris? Allah nous a parlé pour le faire. Non? Il y a d'autres questions? Pour ceux qui sont en direct, ils peuvent poser des questions aussi. Non? Kafra. On a vu, c'est un. Le Kafra. Le Kafra. Oui. C'est un. Et quand il finit, quand il finit de mettre les sermons dessus, ça se rend avec un mec Kafra dans l'eau maintenant pour passer ici, le Kassandira. Non, non, non, c'est dans le lavage. C'est le lavage en fait du Kafra. C'est-à-dire à la fin du lavage. Oui. C'est-à-dire que quand tu viens de laver les deux côtés, c'est-à-dire tu verses l'eau sur le côté droit, le côté gauche, il va falloir maintenant que tu verses l'eau complètement sur lui. En ce moment, maintenant, tu mets le Kafra dans l'eau et puis tu verses lui. Je ne sais pas quand tu viens de lancer le livre. Non. Le fait de mettre du muscle, si c'est parti les prières. Le muscle, si c'est parti les prières. Moi, là, il y a un Aurélien. On n'a pas vu les Dalits. D'autres mettent des parfums, si c'est parti les prières. Ils disent quoi? Ça fait quoi? Je sais pas. Ils mettent du parfum, si c'est parti les prières. C'est-à-dire, son front, voilà, ses coudes, ses genoux, tout ça, ils mettent. Non. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu de preuve à ce sujet. Non. C'est bon? Vous avez bien compris le lavage? Non. Il y a une question à poser qui n'est pas liée à l'Ars. Non. C'était bénéfique de répondre ça. Il y en a qui sont en direct qui vous disent ça. Non. C'est concernant un artiste là. Non. Cet artiste là, ça aide à la vie de Sorine. C'est un qui sait que les Panisaï que Rasoul a expliqué. Non. Bon. D'abord, parce que de savoir d'avoir si l'a dit c'est Swahili. C'est qui ça là, un genou que le roi a voulu qu'il vienne apprendre une magie avec le magicien qui était vierge auprès de lui. Non. C'est les magiciens qui sont demandé ça. Et ce jeune homme a commencé à venir maintenant. Non. Il apprend avec les magiciens la magie. Maintenant, c'est l'histoire du jeûne avec le sorcier. Avec le sorcier, là, voilà. Oui, on connaît. Cette histoire-là vient dans le tafsir de l'histoire de Bourge. Maintenant, ce qu'on cherche dedans, si c'est sorcier, maintenant, est-ce que quelqu'un qui est avec sa maman, c'est-à-dire il est à l'endurée, venir au moins en bien ici, venir voir, venir accesser les douces. Mais ça m'a mis le combat d'abord sur le fait qu'il pratique la sunna. Non. Bon. Si il demande à sa maman qui vient en bien ici, non. Elle qui va venir accesser le cours ou bien venir voir les roussas, sa maman va jamais accepter ça. Non. Est-ce qu'on peut prendre cette qui sera comme le Dali? Pour lui dire que, il peut dire à sa maman, il vient à Abidjan pour autre chose. Et pour cela, il vient pour venir assister les douloureuses. Comme de la main des jeunes hommes, finalement, il disait à la maison que c'est le magicien qui l'a retardé. Et de l'autre côté, il dit à les magiciens que c'est à la maison qu'on l'a retardé. Alors qu'il partait s'aider, c'était le malade. Je vois que, mais. Cette qui ça, beaucoup de savants utilisent. Cette qui ça, il s'appelle le même hadith qui est Hassan. Le hadith est bon. Voilà que le istidlal qui est utilisé dans ce hadith que tu viens de donner, c'est-à-dire le jeune, il mentait, il disait que c'est le magicien qui l'a retardé. Est-ce que c'est un peu que ce frère a pu utiliser afin de mentir à sa mère? Non. Mentir à sa mère. Non, ce n'est pas une preuve. Il ne doit même pas utiliser cela. Le mensonge reste le mensonge. Mais le bâme est très différent. On obéit dans l'obéissance d'Allah et dans la réflexion d'Allah, on obéit toi. Le hadith, il vient dire, on peut dire même le hadith, il vient dire que le Seigneur d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a retardé une personne du djihad, ou même il a dit qu'il ne parle pas du djihad tant que les parents n'ont pas autorisé. Alors, c'est dans un contexte bien précis. Vous voyez là, il y a un compagnon qui s'appelle Moussa Al-Mahoué, qui est venu à l'époque du professeur Hassan, n'est-ce pas? Lui, sa mère l'a empêché de venir voir le prophète. Hassan l'a empêché. Et à tout faire pour ne pas qu'il le fasse, mais il l'a fait. Mais est-ce que le professeur Hassan lui a interdit cela? Hein? Non, ce n'est pas une preuve. Ah, voilà, lui, il suit cette voie. Si sa mère vient s'interposer, tu ne suis pas la sourde, la sourde n'est pas mon fils. Elle n'a été dans la route. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle vient s'interposer entre l'enfant et sa guidance. Et là, il n'obéit pas. Mais moi, ça va voir moi, il peut se cacher pour faire les choses. C'est-à-dire pour juste regarder les intérêts qui en découlent. Pour ne pas que, parce qu'aujourd'hui, les gens de la Sunna sont vraiment rares. Et on garde beaucoup leur nom. Ça va? Pour ne pas qu'ils soient une cause. Pour pouvoir garder le nom des gens de la Sunna, ils peuvent décider comme ça de se cacher pour faire des choses. Mais ils ne doivent pas l'écouter en délaissant les noms de la Sunna. Vous voyez? Là. Là, si là, utiliser une parole qui est mon bâle. Par exemple, maman, je n'ai pas besoin de parler de quelques affaires puis je viens. Non. Là. Comment? Je n'ai pas besoin de parler de quelques affaires et je viens. Oui, une parole, c'est un mauvais ordinaire. Il fait un ordinaire aussi. Ça va? Ah, tel qu'Ibrahim a fait, on lui a demandé est-ce que c'est sa soeur. Il a dit quoi? Il a dit c'est sa soeur, sa femme. Parce que le roi, lui, il prévient tout. Elle était tellement perverse, il disait que c'est ta femme qui parle. Lui, il vient de femme des autres. Donc, il a demandé est-ce que c'est sa soeur. Il demande à Ibrahim est-ce que c'est sa soeur. Il dit c'est ta soeur. C'est sa soeur en islam ou pas? C'est sa soeur. Donc, il a menti. Il n'a pas menti. Donc, il peut donner les paroles générales comme ça, les paroles qui nous parlent comme ça. Mais il ne doit pas nous payer dans ça. Vous voyez? Quand on te dit. Non. Ici, dans le DAS, on a dit que on a parlé des martyrs. Des martyrs. Voilà. Je voulais savoir, ça m'a fait un peu une confusion. Est-ce que on doit un peu, malgré les caractéristiques qui ont été données là, non. Si une personne est dans le cas, est-ce qu'on doit affirmer le martyr pour la personne ou bien on espère le martyr pour la personne? D'abord, celui qui meurt dans une maraca. Dans la bataille, l'autre va aller, Shahid. Ça va? On lui donne le nom de Shahid. Il est martyr. Il est mort. Martyr. Maintenant, ça c'est ce que la charia nous a montré. Ça va? Mais quand tu as confirmé qu'il est réellement martyr, là, la mourir. Mais nous lui donnons le nom des martyrs. C'est comme un musulman qui dit, tu es musulman. Ça va? Il est musulman. Mais il peut ne pas être musulman. Auprès d'Allah. Allez, c'est la dernière. Il peut ne pas être musulman auprès d'Allah. Donc, le fait de ne pas dire qu'il est musulman, ça ne va rien changer. Non. Ou bien? Non. Donc, nous, on dit qu'il est martyr. Dans le sens qu'il est mort. Martyr. Ça va? Il est mort dans un état de martyr. Mais quand tu as confirmé qu'il est parmi les shuhada, ou bien parmi les gens du paradis, alors il y en a pas en vrai. Les gens de la Sunna ne font pas ça. Non. Il y a tel que la Karim, soit le professeur Assalam a, tel que les Sahaba, ceux qui sont morts martyrs parmi les Hachar al-Bashir et le Gedna, nous on a affirmé leur paradis. Pourquoi? Parce que le professeur Sam a déjà affirmé leur paradis. Non. Il y avait des gens qui posaient la question en direct. Non. Non. alayhi wa sallam. Non. Quoi? La question? Non. Je suis bien vu. À quel moment? Voilà, on doit écraser. À quel moment, c'est-à-dire que tu prends les feuilles, tu écrases et puis tu mets dans l'eau. Ça va? Lorsque tu finis de le faire prendre les ablutions, tu mets maintenant les jujubiers dans l'eau et puis maintenant tu verras que ça va changer la couleur et puis l'odeur de l'eau. Tu commences à verser sur lui maintenant. Quand tu finis ça, maintenant, à la fin maintenant, tu mets encore du cafran dans l'eau et puis tu verses sur lui pour le dernier lavage. Voyez, c'est compris? Non. Ok, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.